assez curieux. Trop de peur, pas assez ouvert. Trop de haine, commander. Pas assez de tolérance. Trop d'argent dans si peu de mains. Pas assez de solidarité. Trop de pouvoir pour le pouvoir. Pas assez pour l'égalité. Trop savoir n'est pas assez. L'histoire ne nous apprend rien. Les mêmes erreurs sont répétées. Pas assez de grands hommes pour prôner le bien. Et s'il fallait tout casser, reprendre les mêmes, ça ne servirait à rien. Le monde que nous l'avons fait sera l'instrument de notre propre fin. Pas assez de conscience. Trop d'intérêt, pas assez de bon sens. Trop de regards, pas assez d'action. Trop d'infos, pas assez de solutions. Beaucoup trop d'égoïsme. Pas assez de compassion. Bien trop d'individualisme. Pas assez d'implication.